reviens, t'inquiète, toujours plus fort, plus les scènes lourd, plus bas. Qu'un cheeseburger, plus les scènes te cassent, féroce par son cœur. Plus les scènes crachent sans relâche dans tes écouteurs. Plus les scènes est là encore, encore plus fort, la véranda vibre. Tu gères tout ce gros son, plus les scènes te dressent, tabasse, c'est de la grâce. QSM te pousse les rythmes, QSM est trash.